premier épisode, honneur au Sud, Naples et l'unité. Curtio Malaparte, Naples, le disais-je, est la ville la plus mystérieuse d'Europe. La seule ville du monde antique qui n'est pas périe comme Ilion, comme Ninive, comme Babylone. La seule ville au monde qui n'a pas sombré dans l'immense naufrage de la civilisation antique. Naples est un Pompéi qui n'a jamais été enseveli. Ce n'est pas une ville, c'est un monde. Le monde antique, pré-chrétien, demeurait intact à la surface du monde moderne. La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter. Naples souillée, Naples annexée, Naples insubmersible. Ça va être notre thème avec Jean-Noël Schifano. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Noël Schifano, votre père est sicilien. Vous partez en Sicile où il ne vous a jamais emmené et vous vous arrêtez à Naples. Vous n'en êtes jamais revenu. Pour une nuit. Vous n'en êtes jamais revenu. Et en fin de compte, oui, j'en suis pas revenu dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que j'ai rien compris d'abord. J'étais comme dans un maelstrom où tous les bruits se répondaient, les gens parlaient au milieu d'une cascade de voitures, etc. Ils se comprenaient à des 100 mètres de distance en faisant un seul geste. Et je comprenais rien, je me suis dit, t'es pas plus idiot qu'un autre, je vais rester ici tant que j'aurais pas compris cette ville. Je sentais quand même qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Je sentais quand même qu'il se stratifiait là, avec le visage des gens, avec ce bonheur de voir un étranger, quelque chose d'autre que ce qu'on rencontre d'habitude en Europe. Vous l'avez cessé d'écrire sur Naples. On pense par exemple au dictionnaire amoureux de Naples chez Plon, à tous vos livres, les chroniques napolitaines et d'autres chez Gallimard. Et vous insistez là-dessus. C'est une capitale européenne qui, du moins avant l'unité italienne, était aussi important que, vous plaisantez, Londres ou Paris? Bah écoutez, je vais vous dire un truc, c'est très simple. À Naples, en 1820-30, pour remonter pas trop loin, le père Rothschild avait 5 fils. Et il a placé ses 5 fils dans les villes les plus industrialisées d'Europe, en Italie, Naples. C'était la ville, Milan, Turin, Venise, etc., mais n'existait pas. Florence encore moins, et les autres villes non plus. Naples était la ville qui était la plus industrialisée, mais de loin. Les premiers trains ont circulé à Naples et en Campanie. Il y avait à Monjana, parce qu'il faut prendre Naples, le royaume de Naples, qui est un royaume indépendant, qui n'est pas un royaume occupé, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, avec Charles III, Carlo Terzo. C'est un royaume vraiment avec son roi, exactement comme il y a d'autres rois ailleurs, etc. Et vous aviez à Monjana, dans l'extrême sud de la Calabre, les plus grosses fabriques de fer, d'acier, etc., qu'on eût pu rencontrer, mais parmi les plus grandes, avec environ 2000 ouvriers, parmi les plus grandes qu'on rencontrait en Europe. Avec ça, on a fait des lignes de chemin de fer, on a fait les premiers ponts suspendus sur le fleuve Garigliano, suspendus en fer, etc., etc., en Europe. On avait, tout était, il y avait la plus faible mortalité infantile de toute l'Italie. 4 ans, 5 ans après l'unité, il y a eu la plus forte, etc. Vous avez la plus grande réserve d'or aussi. Les 3/4 de la réserve d'or de toute la péninsule italienne étaient dans la banque de Naples. Vous voyez, il y avait une Alors puissance... Alors on va prendre les choses justement à cette époque, l'époque des Bourbons, parce que après de nombreux vice-rois d'Espagne qui... Non, avant. Les vice-rois étaient avant les Bourbons. Oui, ben c'est ça que je vous dis. Après les vice-rois, il y a eu les Bourbons. Oui, c'est ça. Hein, on est d'accord sur les dates. Absolument. Les vice-rois d'Espagne, ça a duré... Ça a duré 250 ans. 47 vice-rois. Non, il y en a plus 59. 59. Oui. Je sens qu'avec vous, les chiffres vont exploser tout au long de l'émission. C'est quand même important, et puis voilà. Cette époque est marquée par la présence éternelle du saint patron, qui est saint Janvier. Oui. Et Saint-Janvier est un saint extraordinaire. Mais il n'existe pas Saint-Janvier dans le calendrier romain. Ah ben non, puisque c'est un saint laïque, c'est le seul saint laïque qui existe, et c'est un saint de seconde catégorie pour le Vatican. Mais on n'a jamais été bien à Naples avec le Vatican. Ah. Le Vatican, de toute façon, le Vatican a plombé. S'il y avait eu une unité italienne vivable, le Vatican la plombait, parce que c'est un état fort dans un état ectoplasmique. Mais attendez, avant de dire du mal de l'unité, oui, continue à dire du mal de Rome, donc Naples n'est pas en odeur de sainteté à Rome. Non. Parce que c'est bien simple, je vais vous dire un truc assez amusant. Le Saint-Père, l'actuel, quand il est venu à Naples, il a dit qu'il voulait dire que la corruption, c'est un discours contre la corruption, et il a dit « la corruzione spuzza ». Spuzza. Comme Schifano. Puzza, non, spuzza, c'est-à-dire puzzare, ça veut dire puer, spuzzare, ça veut dire qui ne pue pas. C'est le S privatif, ah ouais, en italien. Donc il a dit exactement le contraire, ce qui démontre bien que l'État du Vatican est un État complètement corrompu. Le sang de Saint Janvier, je le dis bien, chacun le sait, qui est conservé dans des ampoules, a le pouvoir de se liquéfier deux fois l'an. Et si ça n'avait pas été le sang de Saint Janvier... C'était il y a peu, là, la liquéfaction. Vous y étiez, là, à Naples? Le 19 septembre. Vous y étiez, non? J'y suis presque toujours les 19 septembre. Et là, ça s'est bien passé? Ça s'est passé en 4 minutes. Bon. Donc c'est très favorable pour la ville. Et tous les Napolitains à travers le monde, parce que c'est pas un saint qu'on prie pour soi, c'est un saint qu'on prie pour la communauté, et la communauté napolitaine à Naples et à travers le monde. N'était l'existence de Saint-Janvier... Enfin, si tant est que cet évêque de Bénévent, martyr, a existé... Ah bah, il a existé, et comment? Oui, on ne peut pas en douter quand on est napolitain. La patronne eût été Santa Patricia. Vue ainsi par l'émission de Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis. C'est-à-dire que le sang, il en liquéfie, non? Le sang de Santa Patricia se liquéfie une fois par an, en août. Si. Et du coup, donc, régulièrement, tous les gens du quartier, tous les gens de Naples, viennent prier Santa Patricia pour qu'elle exauce leurs vœux. Voilà, comme les mêmes choses que c'est possible de voir le mois de septembre, le 19 de septembre, à San Gennaro. Tu sais que le 19 dans le jeu de loto, c'est le sang. 18, c'est le sang. 19, c'est San Gennaro, parce que San Gennaro, c'est le 19 de septembre. C'est elle, alors, Santa Patricia. Et alors, tous ces cadres incroyables qu'il y a au mur, là, avec des tresses de cheveux, des photos... Des scènes. Là, on voit une scène d'hôpital, un homme qui est couché sur une table d'opération, et ses tresses de cheveux, là. Oui, des cheveux d'une femme qui l'a demandé de la grâce à la Santa Patricia. Il y a des personnes qui ont les choses à la jambe pour... Des chaussures orthopédiques. Qu'il a données après, non? Ouais. Ils sont... Une canne. Un corset. Tout ça, finalement, c'est la preuve que ça a marché. Oui. Anne-Sophie Vergne, devant les ex-voto de Santa Patricia. On est à la fois, dites-vous, Jean-Noël Schifano, au cœur de la contre-réforme catholique, et puis au cœur de ce qu'on appelle, enfin tout ça sont les formules, la religion populaire. J'aimerais quand même dire pourquoi Saint Janvier est devenu le patron de Naples et pas Santa Patricia. C'est à peu près à la même époque. Parce que un saint qui saigne régulièrement, un homme, un saint, qui saigne régulièrement, c'est beaucoup plus miraculeux qu'une femme, une sainte, qui saigne régulièrement aussi. C'est-à-dire que, moi j'ai appelé, comme il saigne deux fois par an, hein, de Saint-Janvier, à l'origine, c'était ça, j'ai appelé les semestrues de Saint-Janvier. Et pour la sainte, elle, c'est pas vrai qu'elle saigne une fois, que son sang se liquéfie une fois par mois, une fois par an, pardon, comme il a été dit, mais quand on veut. Moi, je suis allé plusieurs fois prier avec des religieuses le Santa Patricia, et chaque fois, son sang s'est liquéfié. Je veux dire, le sang de Santa Patrizia se liquéfie régulièrement, et je dois dire, se liquéfie à chaque prière. Donc, vous voyez, et elle ne pouvait pas être la sainte miraculeuse de Naples, parce que le miracle, c'est aussi qu'un homme saigne comme une femme. C'est-à-dire, c'est l'interdépendance des sexes et le fait que le côté hermaphrodite de l'être humain, d'avant la séparation des sexes, est déjà dans l'œuf où le sang de Saint-Janvier se tient, l'œuf de cristal. Mais vous dites ça avec une autorité si forte qu'on comprend que, bien mal aspirés seraient les prêtres qui voudraient douter de tout cela et qui voudraient canaliser le culte de Saint-Janvier ou de Santa Patrizia. Absolument. Il y a eu un archevêque, cardinal archevêque, je l'ai bien connu. D'ailleurs, il est devenu presque aveugle. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a douté de Saint-Janvier. Mais il a dit, mais qu'est-ce que c'est cette superstition? En arrivant, on va enlever ça. Écoutez, il n'a pas tenu. Au bout de 6 mois, il dansait quasiment comme un faune avec le sang. Et il était en adoration perpétuelle avec devant le sang de Saint-Janvier. Devant la présentation des ampoules. Bien sûr. Donc, il y a un renversement. On ne peut pas comprendre Naples si on n'entre pas dans les rythmes et dans les rites de la ville. Alors, dites-moi, on en était à la monarchie des Bourbons, qui a succédé au vice-roi d'Espagne. Oui. C'est un pays, Jean-Noël Schifano, dont vous dites qu'il est indépendant. C'est le royaume des deux Siciles. Oui. À partir de 1734. Exactement, avec Charles III. Ah, Charles III. Ben, Charles III, c'est votre héros. C'est un, ben, absolument, c'est le plus grand patron de Naples. C'est le plus grand régnant, quelle que soit si c'est une monarchie ou que ce soit une république, que ce soit une élection ou une succession. Il a fait de Naples une capitale internationale. Il a mis des ambassadeurs napolitains dans toutes les villes d'Europe. Il a fait en sorte que on ferme des couvents de jésuites et on exile d'ailleurs la Compagnie de Jésus pour y placer des juifs persécutés en Espagne. Donc il accueille le monde entier. C'est un roi qui d'abord, une de ses premières choses, à peine il est installé, enfin 2 ans après son installation, c'est très rapide, il crée le premier théâtre lyrique du monde, le San Carlo. Un théâtre de 3000 places, voilà, à l'acoustique extraordinaire. Vous dites que si on froisse un papier dans l'orchestre, on entend tout en haut des loges. Du sixième, ah oui. Qui tombe d'ailleurs sur le tapis. Et non seulement ça, mais le son merveilleux est dû, parce que Naples est creuse, hein, elle était creusée, c'est du tuf blond, etc. Et il y a autant de profondeur sous la Seine que de hauteur. Il y a une hauteur en profondeur et il y a une profondeur en hauteur. Un reportage de Surpris par la Nuit, France Culture. Le théâtre de 1737, ça a été bâti par le roi Charles III. Très impressionnant, parce que là on est dans le San Carlo, alors à droite en fait on a la salle à l'italienne avec cet hémicycle, avec des balcons comme ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 même. 5 rangs de loges. Et le balcon royal ici. Le balcon royal. Voilà. Et puis la curiosité, vous voyez, dans toute la loge, pas d'ici, mais si vous allez dans la salle, de ce côté il y a un miroir. Ce miroir était utilisé pour voir ce que les rois pensaient de l'œuvre. Miroir, en fait, on pouvait le voir de scène. Hein? Non, de chaque loge, un miroir. Loge. Alors, sans tourner la tête, on peut voir ce que les rois pensaient de sa loge. Comme il bougeait ou il ne bougeait pas, s'il applaudissait au moins. Suivre. Là. C'est une mise en scène un peu baroque du pouvoir, là aussi. Oui, absolument. Baroque, bien sûr, c'est un mot important. Le baroque existentiel, Anna. Ben voilà. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs le baroque? Baroque existentiel, c'est tout ce qu'on vit, nous, depuis une cinquantaine, soixantaine d'années. C'est-à-dire, vous avez toutes les nanomesures, macro, etc., tout le liquide qui devient dur, le visage d'une morte qu'on greffe sur la tête d'une vivante qui a été défigurée. Vous avez tout ce qui concerne la chirurgie à distance, enfin tout ce qui fait que on est dans la métamorphose. Et on est dans la métamorphose active. Naples vit la métamorphose depuis sa fondation avec la sirène Parthénopée. On y viendra tout à l'heure, mais j'aimerais que vous nous parliez de Norma, que vous avez vu, représenté par Montserrat Caballé. C'est votre premier spectacle au San Carlo. Oui, il y a toujours un dépucelage au San Carlo. C'est mon premier spectacle en absolu. Et c'était en 73. Enfin, toujours dépucelage, 1973. Je sais, moi, ça se passe des oreilles quand même. Des oreilles et des yeux, excusez-moi. Ah bon, ça se passe devant l'Assemblée des Druides. Absolument. De longs cheveux, des barbes. J'ai eu droit aux Gaulois en plein Naples. Et c'était assez... Mais Montserrat Caballé a été sublime, vraiment sublime. Et j'ai assisté au lancer de fleurs et au bis et au hurlement de bonheur qui était extraordinaire. Elle marchait sur un tapis de rose à la fin. Elle était là, elle était fondue avec le peuple napolitain. Marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Naples, avant l'unité italienne, semaine consacrée à l'Italie en contrepoint des rendez-vous de l'histoire à Blois. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Noël Schifano, qui a publié dans la collection Découverte, vous l'avez distribué, votre beau petit livre aux uns et aux autres dans ce studio, très beau, qui a publié Sous le soleil de Naples, où vous recommandez, j'imagine, puisque vous parliez de métamorphose, le musée Lombroso. Ah oui, sûrement. Alors, le musée Lombroso est une honte, vraiment une offense à l'humanité. Et on ne peut pas comprendre comment, en ayant coupé la tête des prétendus brigands, en 1860, entre 1860 et 70, on les a conservés, on les a exposés, et ils sont toujours conservés et exposés, comme des objets, comme des choses, et... Vous ne croyez pas au miracle. Pour humilier le Sud. Vous ne croyez pas au miracle. C'est toujours pour dégrader. Il fallait dégrader au moment de l'unité, dégrader dans tous les sens du terme. Vous prenez de l'avance sur l'unité, là, parce qu'il faut qu'on l'évoque maintenant. Peut-être avec le secours d'Alexandre Dumas, auquel vous consacrez un article dans votre dictionnaire amoureux de Naples, la splendide révolution parthénopéenne. Parthénopéenne, parce que c'est Parthénope qui est... Parthénopéen et parthénopéenne vaut napolitain, napolitaine. Ah, mais c'est qui la même chose. On dit une cuisine parthénope, c'est la parthénopée, ou parthénope, c'est la sirène qui a voulu séduire Ulysse et dont Ulysse il a résisté à sa façon et elle s'est tuée et elle a donné naissance à la ville. 1798, bien que très située au sud, Naples finit par entendre l'écho de la Révolution française. Alors c'est un extrait adapté du livre de Dumas, San Felice. Pas de commentaire, écoutez d'abord. Écoute, tu entends? C'est la révolution. Le roi ne s'est pas montré au balcon. Il quitte Naples. Il abandonne son peuple. Et les Français? Bientôt, ils arriveront, Louisa. On ne voit rien du tout d'ici. L'accès au port est fermé. Le roi embarque avec le trésor du royaume et la cour. Faites trois fois le tour de l'arbre de la liberté. Vous serez mariés par... Approchez. Je peux vous dire que nous, les acteurs, eh bien nous construirons de nouveaux théâtres pour y mettre en scène toute notre histoire, celle qu'ensemble nous écrivons. Il nous incombera de faire traduire les évangiles dans la langue du peuple. En dialecte napolitain. Pourquoi la parole du Seigneur devrait-elle se cacher derrière le latin? On se souviendra de nous, comme de ceux qui ont offert à leur pays la liberté. S'en sera fini des superstitions. Oui. Eh ben, c'est pas le cas. Et ce sont pas des superstitions, de toute façon, ce sont des croyances et sont des béquilles pour vivre. Mais la 1799, cette fameuse révolution qui a duré 6 mois, d'abord, Napoléon n'en voulait pas. C'est Championnet, ce général Championnet, qui a voulu prendre Naples, en faire une petite république. Et il a été aidé par des gens qui n'ont jamais rien fait à Naples et qui ont toujours profité de Naples, c'est-à-dire la noblesse. Quand, sous les vice-rois dont on parlait tout à l'heure, il y avait un impôt de 3 donativos, mettons, eh bien, la noblesse les recueillait les impôts et en demandait 6, s'en mettait 3 dans la poche. C'était toujours une exploitation. Et là, ils exploitent quoi? Ils s'ennuient et ils font une révolution parce qu'ils s'ennuient. Et en fin de compte, la San Felice, dont Dumas fait un portrait extraordinaire, bon, c'est l'imagination du romancier, eh bien, elle donnait des ordres pour les humilier en latin à ses serviteurs. Quand elle demandait une tasse de café, elle la demandait en latin. Ne demandez pas de dire une tasse de café en latin, je sais pas, mais elle le savait. Donc c'était vraiment une révolution qui n'avait aucun sens, c'était un jeu, et c'était triste, parce que naturellement on a coupé beaucoup de têtes, du sang a coulé, mais c'était contre l'histoire de Naples. Naples n'a jamais été révolutionnaire en 3000 ans, elle a toujours été évolutionnaire. Elle ne tombe pas dans le piège, tout changer pour que tout reste comme avant. Le piège du guépard, elle n'y est jamais tombée. Mais vous dites que les Napolitains aiment la liberté plus que tout, mais pas la parodie ou le succédané de la liberté. Exactement, tout ce qui est tout ce qui est idéologie, tout ce qui est spéculation politique, tout ce qui est, etc. Les Napolitains n'en veulent pas. Ils sont réalistes, et réalistes vraiment. Réalistes baroques, mais réalistes. C'est-à-dire que ils veulent, ils se rebellent, mais ils se rebellent sans révolution, quand ils n'ont plus de liberté, ou quand le pain manque. Alors, on ne va pas parler de l'époque de Murat, pour lequel vous avez quelque indulgence, ni du retour des Bourbons, mais on en vient à l'unité italienne, dont vous nous donnez 2-3 éléments quant aux acteurs. Alors, Cavour, le premier ministre francophile au nord. Bien sûr, bon, c'est l'unité italienne, c'est faite avec la ballade de Garibaldi. La ballade de Garibaldi. Oui, avec les prétendus 1000, ils étaient 753. Garibaldi qui n'avait avec lui que des mercenaires. Et en gros, ce n'étaient pas des patriotes, il y avait la plus grande quantité de mercenaires étaient hongrois. Donc ils sont remontés, protégés par les Anglais, hein, qui sont toujours de fidèles alliés, protégés par les Anglais, ils ont remonté la botte et ils ont été d'une cruauté et d'une sauvagerie que même Gramsci, grand marxiste italien qui ne peut pas être taxé de bourbonien, eh bien dans Ordine Nuovo 1920, si vous me permettez, l'État italien a été une dictature féroce qui a mis à feu et à sang, à ferro à fuoco, l'Italie méridionale et les îles, crucifiant, écartelant, enterrant vif les paysans pauvres que les écrivains salariés tentèrent d'infamer en les marquant du nom de brigands. Mais tout ça, dans une alliance très conflictuelle avec Cavour, le Premier ministre. Oui, mais Cavour, vous savez comment on appelait ses lunettes, s'il avait des besicles? Pour vous dire, eh bien, on les appelait, on disait « Elente Cavour ». Elente, ça veut dire, oui, exactement, ça veut dire les lunettes de Cavour, les menottes étaient appelées les lunettes de Cavour. Alors, 2 interprétations ici. La première, c'est la princesse de Belgioioso, qui finit par se rallier à l'unité, qui a été une grande voyageuse. Vous n'avez jamais aimé ceux de la maison de Savoie, Domenico, je le sais. Mais aujourd'hui, vous êtes bien obligé de reconnaître que Victor Emmanuel est désormais roi d'Italie. Et c'est une Italie unifiée, même si elle est encore privée de Rome et de Venise. L'arbre a été planté. Certaines de ses racines sont malades, mais il a été planté. L'unité a été pour les Italiens l'objet d'une passion dévorante. Une passion qui a étouffé peu à peu toute autre aspiration. Oui, mais autre point de vue dans une taverne populaire. Et aujourd'hui, que reste-t-il ? Rien. Plus de fabrique, plus de travail, plus de soi. Seulement la misère, l'horreur et la misère. Oh non, je vous en prie. Bien sûr, je peux comprendre. Bien sûr, les Piémontais nous ont apporté toute cette misère. Mais c'est pas une bonne raison pour regretter les Bourbons. C'est vous qui le dites. Alors ça, c'est le point de vue de Frère d'Italie, le film que vous connaissez bien. Oui. Eh bien, écoutez, je vais vous dire tout ce qui s'est passé après. Il y a eu Carlo Bombrini, qui était gouverneur de la Banque d'Italie nationale, etc., de 1861 à 1882, et il a édicté une loi. Les méridionaux ne doivent plus être mis en condition d'entreprendre et de produire. C'est-à-dire qu'il fallait bloquer. Ça a été, l'unité d'Italie, ça a été une colonisation. Une colonisation très simple. Ensuite, regardez, je vais vous dire, Milan-Florence en train, 400 km, 2 heures. Trapani-Catania, 400 km en train, 15h30. Il n'y a pas de train en Italie du Sud. Les trains ne marchent pas. Et si vous voyez, la capitale européenne de la culture, qui est en Italie, Matera. Ça, bien... c'était une intervention, vous l'avez entendu, en sous-main de Fabrice Drouel. Eh bien, il n'y a pas de train pour arriver à la dans la capitale européenne de la culture. Tout le sud de l'Italie a été abandonné, et l'est encore. C'est-à-dire que le nord veut toujours vendre et que l'Italie du sud ne produise rien. C'est-à-dire acheter des produits à manufacturer et vendre. Le plus gros client de l'Italie du Nord, de la bande du Nord, c'est le Sud. Et vous savez, les premiers exils en Amérique, ça n'a pas été le Sud de l'Italie. Avant 1860, toute la bande du Nord, Milan, Turin, Venise, allait en Amérique. Ensuite, comme l'Italie du Sud était très riche, tout a été volé. Et vous savez, il n'y a pas eu de problème méridional. Il n'y a eu qu'un problème septentrional. Voilà. C'est ça le thème de votre conférence à Blois, Jean-Noël Schifano. Ben, j'en parlerai un peu, mais un peu plus longuement. À la préfecture, oui, vous ne serez pas bridé comme ici. Vos livres bridé. Sur notre site. Demain, on parle de l'Italie de l'émigration. Et puis jeudi, nous sommes en direct de Blois à 14h30. Et vendredi, nous enregistrons à l'auditorium de l'abbé Grégoire. Éline Canegulesco, Frédéric Martin, Franck Olivar, Juliette Gou, Élise Christophe, c'était l'équipe de la Marche de l'Histoire. Vous pouvez parler haut et fort maintenant, Fabrice Drouel, et annoncer Urbi et Orbi, votre programme. Désolé pour cette intervention. Mais non, c'est que le micro n'était pas encore branché, et vous en saviez trop par rapport à moi. Mais le problème ou la joie, c'est que l'Italie est ma passion, figurez-vous. Alors, vous parlez de la France, moi, des mineurs français, la grève des mineurs de 1963... Jamais un conflit social n'a été autant soutenu par la population française. C'est là l'intérêt de cet épisode. Et vous dites que c'est une manière de chant du cygne que aussi, cette grève pour la des mineurs, c'était à l'époque du général de Gaulle.